À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, les partis politiques, gouvernements, organisations et personnalités de divers pays ont visité les ambassades coréennes pour déposer des corbeilles et bouquets de fleurs devant les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et les tableaux de peinture où se trouvent ensemble les grands leaders avant de leur rendre hommage. Ce sont les partis politiques, gouvernements et organisations mexicains, cambodgiens et thaïlandais, ainsi que les personnalités de divers milieux comme le chef du département international du Parti démocrate libéral de Russie, le chef du département politique du ministère cubain des forces armées révolutionnaires et sa suite, le président du comité mongol de souvenirs du camarade Kim Jong-il et le secrétaire général de l'Organisation de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Ont été déposés devant les portraits en sourire des grands leaders et leurs portraits en pied, les corbeilles de fleurs des partis politiques, gouvernements, formations et établissements du Mexique, du Canada, de la Russie et d'autres pays, ainsi que des personnalités de différents milieux, notamment l'administrateur général du groupe italien d'investissement général. Par ailleurs, le co-administrateur général du conseil du fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il, a fait parvenir le 17 décembre une corbeille de fleurs à la représentation diplomatique coréenne à Hong Kong de Chine.